Bonjour, ici Samuel Lauzon, vous écoutez CKRL 89.1. C'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. En deuxième partie d'émission, à 18h30, Valérie Levé recevra Anthony Bertrand-Grenier pour discuter de son livre sur la pensée critique, un ouvrage qui propose divers outils pour mieux comprendre les biais cognitifs, repérer les arguments fallacieux et déjouer les techniques de persuasion. Mais pour le moment, plongeons dans un sujet bien de saison. Encore cette année, nous avons assisté à un spectacle flamboyant qui revient à chaque automne, celui du changement de couleur des feuilles dans nos arbres. Par la suite, vous avez sûrement remarqué que certains arbres, comme les érables, ont perdu leurs feuilles, tandis que d'autres, comme le sapin, conservent leurs aiguilles vertes tout l'hiver. Pourquoi cette différence? Ben, pour nous éclairer sur ces stratégies fascinantes, nous recevons Charles Marty, professeur-chercheur à Carbone Boréal à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour Charles. Bonjour. Donc, pour commencer, là, j'avais le goût de débuter avec une question très simple, mais peut-être moins simple à répondre. Pourquoi certains arbres changent de couleur et perdent leurs feuilles à l'automne au Québec? Alors oui, en effet, c'est une question qui peut prendre plusieurs minutes voire heures pour y répondre. Mais déjà, donc le changement de couleur, c'est lié donc à un changement dans la pigmentation de la feuille. Vous savez, hein, les feuilles sont vertes parce qu'elles contiennent de la chlorophylle. Et quand vient l'hiver, donc il y a un mécanisme qui est contrôlé génétiquement et déclenché génétiquement aussi, qui s'appelle la sénescence programmée. Et donc qui va, entre guillemets, donc La lancer tout sénescence, un c'est tas la de... mort, si C'est je... ça, c'est la Oui, mort ok. programmée cellulaire à l'intérieur des cellules. En fait, il faut savoir que donc, les feuilles contiennent beaucoup de macromolécules qui elles-mêmes contiennent beaucoup de nutriments qui sont essentiels à la croissance des arbres. Et donc, quand les feuilles tombent, l'arbre ne veut pas perdre tous ces nutriments avec les feuilles. Donc, la sénescence, en fait, c'est un ensemble de réactions biochimiques qui vont aller démanteler ces grosses molécules qui contiennent les nutriments. Et une de ces molécules, c'est la chlorophylle, hein, qui contient de l'azote, du magnésium, des choses comme ça, qui sont essentielles à la croissance des plantes. Et donc, quand cette molécule de chlorophylle va être démantelée, ces nutriments vont être exportés vers les parties pérennes de l'arbre, comme les branches ou les tiges. Donc, ça va permettre à l'arbre de conserver ces nutriments. Et donc, en se désagrégeant comme ça, la chlorophylle laisse la place à d'autres pigments, comme les anthocyanes, qui sont plutôt rouge-violet, ou les carotènes, qui sont orange ou jaune. OK, C'est la raison donc pour laquelle on voit les feuilles qui changent de couleur. Alors, il y a certaines études qui ont montré que... Donc là, pour ce que je vous ai raconté, les pigments étaient déjà présents dans la feuille, en oui. moindre quantité que la chlorophylle. Et donc, ils apparaissent juste à l'œil pendant cette période, parce que la chlorophylle est démantelée. Mais dans certaines études, dans certains écosystèmes, pour certaines espèces d'arbres, les chercheurs ont mis à l'évidence que certains nouveaux pigments étaient Ah, produits à ce d'accord. moment-là. Et donc, on suppose que ces pigments ont une fonction, peut-être pour attirer les oiseaux, pour disséminer les graines de l'arbre, ou pour Ah, lutter d'accord. contre OK. le gel ou ce genre de choses, mais c'est encore peu connu comme sujet. OK. Donc, une première partie, c'est beaucoup. Dans le fond, on voit la couleur parce que le vert, si on veut, cachait la couleur qui est en dessous, mais qu'il y aurait une autre couleur aussi qui aurait probablement d'autres utilités comme attirer les oiseaux. C'est bon. Puis, Exactement. au niveau de la chute des feuilles, donc on a perdu nos couleurs, mais là, à un moment donné, la feuille va tomber aussi. Et ça, comment ça se fait exactement? Oui, alors la feuille va tomber. Vous avez raison en fait de poser la question dans ce sens parce qu'il semblerait que les premières espèces d'arbres, donc les premières plantes vasculaires qui sont apparues sur Terre, donc il y a à peu près entre 400 et 300 millions d'années, elles étaient plutôt sempervivantes, c'est-à-dire qu'elles gardaient leurs feuilles toute l'année. Donc ces arbres-là étaient verts toute l'année. Et donc c'est plutôt le caractère caducifolié, donc décidu, qui a évolué un peu plus tard dans différentes lignées. Et probablement en réponse à une saisonnalité ou un stress, par exemple un stress hydrique. Donc voilà, donc ces mécanismes de sénescence et la chute de feuilles sont une adaptation à certaines contraintes du milieu. On peut citer par exemple le stress hydrique, hein, il y a beaucoup d'endroits sur Terre où pendant quelques mois de l'année, il y a très peu d'eau disponible dans le sol. Il faut savoir que les feuilles, elles ne font pas qu'absorber du CO2, elles rejettent aussi beaucoup de vapeur d'eau, hein, par transpiration. Et donc, perdre les feuilles, c'est un moyen pour la plante de conserver l'eau ou en tout cas d'éviter des pertes trop grandes d'eau pendant une période de l'année qui pourra entraîner donc sa mort. Ça permet de conserver l'intégrité physique de l'ensemble de la plante. D'accord, si je comprends bien, on peut avoir pour on peut avoir des arbres, par exemple, qui vont perdre leurs feuilles, mais pas nécessairement pour l'hiver. C'est ça, exactement. Dans les tropiques, enfin entre les tropiques, il y a certaines zones où il y a une période très sèche, et donc qui correspondrait plutôt à notre été ici. Donc les plantes perdent leurs feuilles pendant 2 ou 3 mois pendant cette période-là. Dans le pourtour méditerranéen, c'est la même chose, hein. On a beaucoup d'espèces qui sont sempervirentes, mais on en a aussi qui perdent leurs feuilles pendant l'été et qui en forment de nouvelles à la fin de l'été, plutôt à l'approche de l'hiver. Mais je me demande, nous, si on vient un peu au Québec. Donc, au Québec, parfois, on se retrouve avec deux arbres, parfois sur un territoire assez proche. Et donc, on va avoir, comme je donnais dans l'introduction, là, un peu un érable et un sapin. Donc, sur le même territoire, je vais en avoir une qui va perdre ses feuilles et l'autre qui va garder ses feuilles. Pourquoi cette différence-là sur un même territoire? Exactement. Donc, en fait, la durée de vie des feuilles, parce que voilà, les feuilles, en gros, les arbres qui perdent leurs feuilles et donc qui n'ont pas de feuilles pendant une période de l'année ont généralement une durée de vie de feuilles moyenne qui est inférieure à 1 an. Alors que les plantes qui sont toujours vertes, elles ont une durée moyenne de vie des feuilles qui est supérieure à 1 an, si bien qu'on a plusieurs générations de feuilles dans la canopée. Et donc, D'accord. cette durée de vie des feuilles, en gros, elle témoigne de deux stratégies qui sont assez différentes, qu'on retrouve chez toutes les plantes, mais particulièrement chez les arbres. Donc, une stratégie qu'on pourrait qualifier d'acquisition, avec un retour sur investissement du carbone qui est très rapide. Donc, ça, c'est le cas pour les arbres caducifoliés. Et une stratégie plutôt de conservation pour les plantes sempervirentes, où on garde les feuilles pendant une longue période pour justement limiter les pertes de carbone et les pertes de nutriments qui sont contenues dans les feuilles. Et donc ces deux stratégies-là, en fait, elles coexistent dans la plupart des écosystèmes, hein, comme vous le dites. C'est vrai que les espèces sempervirentes ont tendance à dominer, sont dominantes plutôt entre les tropiques, où la saisonnalité est très faible, et dans la zone boréale, où justement la saisonnalité est très forte, où la période de végétation est très courte. Mais d'une manière générale, même dans la zone boréale, on voit il y a des plantes, certains arbres rosacés, il y a du bouleau, il y a du peuplier faux-tremble, etc. Donc les deux stratégies peuvent coexister et peuvent survivre dans différents types d'écosystèmes. Oui, justement, j'avais envie de vous entendre parler un peu plus de carbone. Dans votre réponse, vous parlez beaucoup de carbone. Donc, c'est quoi le cycle du carbone et c'est quoi l'importance, pour les arbres de ce carbone-là? Ok, donc le carbone, effectivement, c'est un petit peu la brique élémentaire de tous les organismes vivants. Hein. Si vous prenez une plante et que vous la faites sécher, 50% de sa masse sèche, c'est du carbone. Ok, donc pour croître, pour faire plus de biomasse, pour se reproduire, etc., il faut que la plante absorbe beaucoup de carbone. Et ce carbone, il vient du dioxyde carbone gazeux qu'il y a dans l'atmosphère. Et l'absorption de ce dioxyde de carbone par la plante se fait au niveau des feuilles, par le processus de photosynthèse, qui utilise l'énergie lumineuse, le CO2, de l'eau qui provient des racines, et avec ça, elle fait des sucres, donc qui sont des molécules carbonées qui vont être ensuite utilisées comme source d'énergie ou pour fabriquer sa propre biomasse. Pour Donc, grandir, par exemple, pour voilà, OK. exactement. Et l'objectif d'une feuille, c'est d'assimiler le plus de CO2 durant sa vie. OK. Et pour arriver à ça, il y a deux stratégies, comme je le disais. Soit il va y avoir des feuilles qui sont hyper efficaces, qui vivent peu longtemps, mais qui vont avoir une capacité photosynthétique très élevée. C'est-à-dire qu'elles vont absorber par unité de temps et de surface foliaire, elles vont absorber beaucoup de CO2. Et l'autre stratégie, c'est d'avoir des feuilles qui sont moins efficaces, en fait, sur une courte période de temps, mais qui vivent beaucoup plus longtemps. Par Comprends. exemple, voilà, si on a une plante qui a une capacité photosynthétique 2 fois supérieure à une feuille qui a une capacité photosynthétique deux fois supérieure à une autre qui vit deux fois plus longtemps, ben, à l'échelle de leur vie, De leur vie. elles ont assimilé la même quantité de carbone. Voilà. Et donc D'accord, ça, c'est c'est comme leur bilan sur leur vie, si on veut. exactement. Et donc, le problème, c'est qu'on pourrait se dire pourquoi il n'existe pas des feuilles qui ont une capacité photosynthétique très élevée, mais qui aussi vivent longtemps, comme ça on maximiserait. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a dans la nature des compromis qu'il faut faire. Par exemple, la biomasse, enfin, la quantité de nutriments qu'il y a dans le sol est limitante, la quantité d'eau aussi, la quantité de lumière, donc la plante doit se débrouiller avec les ressources qui sont disponibles. Et donc, quand une plante dispose d'un gramme de biomasse pour fabriquer une feuille, donc soit elle va construire des feuilles qui sont plates et très fines, et donc dans ce cas-là, elle va pouvoir fabriquer avec 100 grammes une grande surface de feuilles, et donc du coup intercepter beaucoup plus de lumière et faire plus de photosynthèse. Soit elle va décider de faire des feuilles épaisses, donc réduire la surface photosynthétique. Mais du coup, ces feuilles, l'avantage de ces feuilles qui sont épaisses, c'est qu'elles sont beaucoup plus robustes au stress, beaucoup plus robustes à l'herbivorie, et donc elles peuvent vivre plus longtemps. Voilà. D'accord. C'est ça le problème, c'est que quand une plante fait une feuille qui est très fine, donc qui a une capacité photosynthétique très élevée, elle est très vulnérable à l'herbivorie et au stress, par exemple au vent, aux intempéries, etc. Elle peut se déchirer, du coup, être contaminée par des parasites et ensuite tomber. Donc c'est pas vraiment un investissement. J'avais justement une question qui me chicote, une question un peu hypothétique. Si un arbre caducifolié, là, c'est-à-dire qui perd ses feuilles, est placé dans un environnement sans stress hydrique où la température et la lumière sont optimales, où il n'y a pas de broutage par les serres, par les lapins, est-ce que cet arbre-là va perdre quand même ses feuilles? Alors, c'est une bonne question. En fait, on va dire qu'il y a quand même un gros déterminisme génétique sur la durée de vie des feuilles. Mais effectivement, à l'échelle de l'individu, il y a comme une plasticité qui va permettre donc à la plante de s'adapter. Mais d'une manière générale, cette plasticité, elle vient se caler sur un programme qui est quand même déjà en place. Donc, une espèce. Et en fait, il n'est pas rare de voir certaines espèces dans leur aire de répartition qui sont sempervirentes à un endroit et puis plutôt déciduent à un autre. Ouais. Ça arrive, ce genre de choses. Mais c'est quand même, comme je disais, c'est un petit peu à la marge. Donc ça va être une différence dans la longévité foliaire qui va être de quelques mois, donc ce qui peut rendre donc la plante sempervirente ou décidue en fonction de l'environnement. Mais effectivement, bon, il y a une plasticité. Par exemple, les feuilles chez les espèces sempervirentes, sont aussi une réserve de nutriments. Quand le printemps arrive et que les plantes doivent produire de nouvelles pousses, il y a une demande en nutriments qui est très forte pour venir comment dire, approvisionner ces nouvelles feuilles qui sont en construction. Okay? Si dans le sol, le pool de nutriments dans le sol à ce moment-là n'est pas disponible ou est trop faible pour comment dire, approvisionner la croissance de ces feuilles, eh bien, on voit chez de nombreuses espèces que les feuilles les plus vieilles vont mourir et se vider de leurs nutriments pour approvisionner la croissance voilà, des nouvelles pousses en nutriments. Et donc ça peut venir faire changer la durée de vie de feuilles de manière quand même assez significative. Je vous écoute, puis je me demande si on devrait plutôt parler de spectre ou de continuum entre les espèces sempervirentes, là, c'est-à-dire qui conservent leurs feuilles, et les espèces caducifoliées qui perdent leurs feuilles. Parce que si je prends par exemple les chênes qui vont garder leurs feuilles, là, on le voit encore là, à l'extérieur, les feuilles de chêne sont encore dans les arbres, tandis que bon, la plupart des bouleaux vont avoir déjà perdu leurs feuilles. Est-ce qu'on devrait plutôt parler de spectre ou de continuum entre ces deux types, ces deux catégories d'arbres? Exactement. Et d'ailleurs, on a un petit peu switché, c'est-à-dire que les premières personnes qui ont commencé à travailler, enfin à s'intéresser à cette problématique-là, ça date d'il y a très longtemps, mais les premiers naturalistes qui ont commencé vraiment à s'intéresser à ça, c'était au 19e siècle, avec notamment Alexander von Humboldt, qui était un grand voyageur et qui avait donc il connaissait déjà très bien à l'époque le fait que les forêts tempérées étaient dominées quand même par des espèces à feuilles caduques, et que quand on montait vers le nord de l'Europe, on avait de plus en plus d'arbres avec des aiguilles persistantes. Mais ce qu'on ne connaissait pas trop, c'était les plantes sempervirentes avec des feuilles larges, pas comme des aiguilles, avec des vraies feuilles. Ça, c'est lui, un des premiers, un des pionniers à s'être déplacé hein, depuis l'Europe dans les forêts tropicales et de dire oh, il existe aussi ce genre de. En anglais, on appelle leaf habit, mais c'est ce genre de caractéristiques de la canopée. Et donc, pendant longtemps, les biogéographes vraiment s'intéressaient à cette caractéristique-là qui se porte à l'échelle de la canopée. Mais plus tard, à partir des années 70-80, on s'est vraiment intéressé à la durée de vie des feuilles et non pas au comportement des feuilles à l'intérieur de la canopée. On s'aperçoit que même à l'intérieur de la canopée, la durée de vie des feuilles peut varier de manière considérable en fonction de son micro-environnement. C'est-à-dire, par exemple, les feuilles qui sont en haut de la canopée exposées au soleil de manière permanente ont une durée de vie de feuilles, une durée de vie, d'une manière générale, plus faible que celles qui sont à l'ombre. Okay? Et dans un même écosystème, on remarque un petit peu la même chose. Les arbres de canopée qui sont pleinement exposés à la lumière ont généralement une durée de vie de feuilles inférieure aux arbres de sous-bois. Voilà, c'est ça. Et là, on peut l'interpréter, encore une fois, sous le prisme de cette économie du carbone, où les feuilles qui sont ombragées reçoivent moins de lumière, et donc pour acquérir une quantité de carbone nécessaire pour rembourser en gros le coût de carbone qui a été investi pour fabriquer une feuille est plus long. Et donc elles doivent vivre plus longtemps pour pouvoir compenser cet investissement initial en énergie, en carbone dans la feuille. Oui, c'est très intéressant. On parle évidemment de foresterie, de biologie. On peut pas échapper à la grande question, des changements climatiques. Et je me demandais, est-ce que les changements climatiques influencent le moment et l'intensité de la chute des feuilles, ici au Québec? Oui, en fait, on sait que, je ne sais pas si vous connaissez le terme de phénologie. C'est en gros la phénologie, c'est le comment dire, La façon de le s'adapter, si on veut, la plasticité d'un arbre à quelque chose, c'est ça que vous voulez dire? c'est plutôt le timing, comment le dire en français, mais ou au moment où un événement se passe, par exemple l'éclosion des bourgeons ou la sénescence des feuilles, etc. Donc tout ça, c'est contrôlé génétiquement d'une part et sous l'influence de facteurs externes d'autre part. Et on voit qu'avec le rallongement de la saison de végétation, les températures qui sont quand même un peu plus élevées au printemps, etc., on voit que le débourrement se fait plus tôt. Et en général, les feuilles perdurent aussi un peu plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que la durée de vie des feuilles a tendance à s'allonger pour pas mal d'espèces, en tout cas sous nos latitudes. Mais encore une fois, ça se fait à la marge, c'est pas des. C'est de quelques jours ou de quelques semaines au maximum. Est-ce que le carbone contenu dans les feuilles, dans les arbres, ben, pourrait être utilisé pour lutter contre les changements climatiques? Est-ce que c'est quelque chose qui réfléchit? Oui, tout à fait, hein, les arbres, en fait, nous permettent à bas coût d'absorber du carbone qui a été émis dans l'atmosphère par les activités humaines. Alors ce carbone, il est plutôt, une fois qu'il a été absorbé par les feuilles, il est plutôt stocké dans le bois, c'est-à-dire donc dans les tiges, les branches et les racines, puisque le carbone qui se retrouve dans les feuilles, une fois que les feuilles vont tomber au sol, eh bien cette matière organique va être décomposée hein, par tout un tas d'organismes et puis vont finir pour partie dans l'atmosphère sous forme de CO2, parce que ces molécules organiques vont être respirées par tout un tas d'organismes. Et une autre partie va être incorporée dans la matière organique du sol et va rester dans le sol là pour de nombreuses années, des centaines, voire des milliers d'années. Donc oui, la capacité des arbres à absorber le CO2 de l'atmosphère est utilisée pour lutter dans la lutte au changement climatique. C'est d'ailleurs une partie de la recherche que je fais à l'UQAC et notamment dans l'équipe Carbone Boréal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Je suis curieux. Donc, est-ce que vraiment les forêts, en conservant ce carbone-là, peut en venir vraiment à... Est-ce que c'est une solution d'avenir, dans le fond, pour la lutte au changement climatique? Oui, en fait, de toute façon, il y a peu aujourd'hui d'organismes hein, qui, dans leur scénario de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ne prennent pas en considération ce genre de solutions basées sur la nature, où on remet en état certains écosystèmes, où on fait de l'afforestation, de la reforestation, pour augmenter les puits de carbone sur les zones terrestres, par exemple dans les forêts ou dans les zones agricoles. Alors, moi, je travaille, donc vous l'avez dit, à l'Université du Québec à Chicoutimi, dans un organisme qui s'appelle Carbone Boréal, donc, qui est à la fois une infrastructure de recherche qui a été créée en 2018, mais aussi un programme de compensation des émissions de gaz à effet de serre. OK, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc, on plante des forêts, hein, en partenariat étroit avec plusieurs ministères québécois, le MRNF, le MAPAC, et puis aussi des communautés des Premières Nations qui vivent sur les territoires où nous, on plante des arbres. Et donc, ces arbres, on les plante dans des zones que l'on appelle des dénudés secs. Donc, ce sont des zones ouvertes de la forêt boréale, donc où la densité d'arbres est très faible. Et ces dénudés secs ont beaucoup été étudiés, hein, notamment par des chercheurs de l'Université de Laval, hein, je pense à Serge Payette. Et donc, ces chercheurs ont montré que ces dénudés secs sont des états stables, c'est-à-dire que sans intervention humaine, ils ne se reboiseront ou ne se redensifieront jamais. Donc, il y a eu des échecs de régénération naturelle. Et donc, toute une végétation, comme des lichens, des bryophytes ou alors des arbustes comme des ericacées, se sont installés et empêchent le retour des arbres sur ces zones-là. Donc, on a en général des densités d'arbres qui sont inférieures à 500 Inférieur, ok. arbres à l'hectare ou 25%. Et donc, du fait qu'il y a peu de biomasse, ces écosystèmes contiennent moins de carbone qu'une forêt fermée. Et donc, ce qu'on fait avec Carbone Boréal, c'est qu'on plante des arbres sur ces zones-là pour augmenter leur contenu en carbone et donc créer de nouveaux puits de CO2 donc à l'échelle de la forêt boréale. C'est vraiment bien, mais je vais jouer un peu l'avocat du diable. Pour aller faire ces plantations-là, donc j'imagine ça prend des routes, des camions qui vont se rendre sur les lieux, de la main-d'œuvre, que tous ces moyens de transport-là, la production des arbres, etc., requièrent des dépenses d'hydrocarbures et dégagent du carbone. Je me demandais si ces éléments-là avaient été pris en compte dans le bilan carbone de vos plantations. Exactement. Donc, il y a des modélisations qui ont été faites il y a quelques années par notre équipe qui ont montré que une plantation d'épinettes noires, donc dans ces dénudés secs, sur 70 ans, pouvait stocker 77 tonnes de carbone, donc à peu près 280 tonnes de CO2, en incluant donc tout le carbone qui avait été émis pour l'implantation de ces arbres. C'est-à-dire, ça inclut toutes les émissions qui sont liées à la production des plants. Au déploiement de la machinerie, à la fabrication des chemins pour se rendre dans les plantations, etc. Et donc tout ça représente en gros 1,3, je crois, tonnes de CO2 par hectare, alors que comme je le disais, un hectare de plantation peut stocker sur sa vie, sur 70 ans à peu près, 280 tonnes. Donc ça représente moins de 1%. Donc c'est quasiment négligeable au regard de ce qu'on peut stocker sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est avantageux de reboiser ces zones-là. C'est très intéressant, malheureusement, le temps file, là. Plein d'autres questions me viennent en tête, mais merci beaucoup, Charles Marty, pour cet échange-là fascinant là, sur les stratégies des arbres aux adaptations aux saisons. C'est toujours un plaisir, dans le fond, de découvrir là, la science qui se cache derrière ce qu'on peut observer là, comme ça juste dans une balade en forêt. Je rappelle que mon invité était Charles Marty, professeur-chercheur à Carbone Boréal à l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous allons maintenant faire une courte pause musicale. Au retour, Valérie Levé recevra Anthony Bertrand-Grenier pour discuter de son livre sur la pensée critique. Restez avec nous. Je sais pas si tu voles ou bien si tu tombes, si t'attends juste que la neige fonde.